rayon de soleil dès 7h du matin. C'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Francky au réveil, belle journée, bon réveil. Il est tout juste 7h en espérant que vous avez passé une agréable nuit. Moi, l'orage, il m'a réveillé cette nuit. Vous, peut-être de l'autre côté de la radio aussi, du côté de Fleury, c'est bien tombé. Et puis, moi, j'ai mal dormi. Franchement, cet orage qui va perdurer malheureusement aujourd'hui avec des températures chaudes quand même, hein, 17 à 26 degrés. Nuages, pluie, orage, c'est le programme de cette belle journée pour bien démarrer avec un bon son à l'ancienne et puis Mylène Farmer qui arrive sur la console sans contrefaçon. Bon réveil, bon petit déj. Radio Soleil, dès 7h, avec Francky. Non tenga miedo, mi agarra, toque mi, mi aperta, mi amasa, así no da toa gusta, no consigo ni controla, ten cuidado, da mi cuya,

souvenir, hein, on pourrait dire Radio 5 à l'époque, Orléans à Saint-Jean-de-Bray. Sur la radio couleur 96.2 FM, belle journée avec Magie Noire, Philippe Russo. Beaucoup se rappellent, c'est ce que me dit Stéphanie. Ouais, je me souviens très bien de ce titre, j'adorais. Eh ouais, le meilleur des souvenirs, c'est le matin avec le tube. Déjà 2 ans, ça passe. Master 4G avec Jérusalem. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Si vous voulez passer un message le matin, on allait travailler ou là encore sous le fond de la couette, comme ça, tranquille. 02 38 43 48 00, c'est le standard de la radio. No. Arc-en-Ciel, le meilleur de la musique à 7h17. Peut-être que vous venez de vous réveiller, vous allez au boulot ce matin, vous leur emmenez les enfants chez la nounou. Bah ouais, hein, parce qu'il y en a quand même les enfants, ils se lèvent de bonne heure, de très bonne heure même. Comme Bubu, salut Bubu, bonjour Francky, salut Stéphane, je suis prêt, bonne émission, merci Steph. Alexandre Thibaudot, bon dia, bonne émission Francky, merci. Le meilleur des souvenirs au réveil, et ça fait du bien. Les innocents, hommes extraordinaires comme vous, de l'autre côté de la radio peut-être. Quelqu'un de toujours poli, qu'il soit heureux ou qu'il soit triste. Sans donner d'importance à la chance de voir cet homme ce soir, qui rentre un peu moins tard. Ses enfants aiment leur père avec une impatience qui le laissera vieillir juste après leur enfance. Sur un monde solitaire, il court, il approche un autre siècle. On se souviendra de ceux qui commettent un crime. Un jour, de tous ces chasseurs. D'apprendre à leur apprendre à ne pas compter les heures qui s'enroulent et qui meurent, que leur vie vienne sur terre juste pour y répandre un peu d'amour et quelques cendres. On se souviendra de ceux qui commettent un crime. Un jour de tous ces chasseurs. Cette femme a fui encore une autre vie pour la voir comme quelqu'un qui a bien réagi face à la mort à l'oubli. Elle tourne sur un monde solitaire. Siècle. 7h21 en direct dans les studios de la radio à Fleury les Aubrais. Ah ouais, si vous êtes de passage, tiens, 266 au Bois-Meunier. Je vous mate aux caméras, le noir, je vous paye le café ce matin. Bah ouais, sympatoche le Francky, hein, on n'est pas loin, c'est vrai, hein, Fleury. Et en plus, le studio, vous allez voir, super agréable. On est bien, c'est aéré, c'est grand, on y va, c'est magnifique. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio. Salut à Toto qui nous écoute du côté de Saint-Jean-de-Brest. Salut Francky, merci de nous mettre des bons souvenirs comme ça, homme extraordinaire. Bah oui, vous êtes extraordinaire le matin. La météo qui arrive, c'est pas terrible. Eh ouais, j'aurais prévenu. Hein. La météo. La météo aujourd'hui pour ce 14 septembre mardi. Des nuages, de la pluie, quelques orages malheureusement. Les températures sont plutôt pas mal quand même, hein, estivales on va dire. 17 à 26 degrés, ça c'est la bonne nouvelle. La deuxième mauvaise nouvelle, eh bien c'est que la pluie est là. Demain aussi normalement de la pluie, mais le soleil est là et résonne dans les chaînes de la radio. 7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. 96.2 FM avec le meilleur des souvenirs pour votre radio couleur. Et puis du son qui arrive avec les Brothers Johnson. Quelle époque. 1984 sous la boule à facettes des discothèques avec Stomp, ce tube interplanétaire. Oh, 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Fais pour moi, ne regarde pas autour, essuie mes pas, j'ai trouvé un homme si beau et si doux. Ah, je pourrais faire du karaoké, bah ouais, pourquoi pas. Avec Sarah, belle reprise d'Ed Sheeran, la French version de Perfect. Heureux d'être avec vous dans la radio, c'est Francky en direct. Tu es parfait ce soir. Bah vous êtes parfait, même le matin, vous à la radio, Stéphane qui est là, Elodie qui est là aussi, puis les sons Latina, Sébastien Yatra, Resignorella. Heureux d'être avec vous, bon dia la famille, bon réveil et bon petit déj. Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que el amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, no me importa que el amor te muera. Eso no para más nada de ahí. Transmite un sentimiento que te insiste en aceptar la realidad, es que la verdad se admite. Las velas se derriten en aquel escondite. Tú y yo juntos otra vez, la historia se repite al inverso. Me miro al espejo y converso, es que no hay otra que te igual en todo este universo. Pero yo invencible, sigo terrible, y otro man que me iguale en el mundo imposible. Con permiso, ando de vacilón. Tengo roto el corazón, me pagaron con traición. Con permiso, ando de vacilón. Tengo roto el corazón. corazón. Me pagaron con traición. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Como baila, me mete en un embrujo y después sola se larga. Me presta una ilusión, el corazón me lo embarga. Y luego te burlas de mí, ¿por qué? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué viniste a matarme por dentro? Yo ya no quiero sentir lo que siento. Siempre serás la primera y aunque yo te quiera, ya vete traicionera. No me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me solo muera. Quieres que de amor, que de amor me muera. En mi vida fuiste pasajera. Y todo esto que me queda. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Sebastián Yatra. Princess. 7h32 minutes, le meilleur du son latina, Mentirosa. On va être avec vous, c'est Francky dans la radio. Jusqu'à 9h, les bons plans de la passerelle. Si vous n'avez pas quoi faire le 17 septembre, bien, j'ai un bon plan pour vous, un spectacle d'humour qui arrive. Avec Arc-en-Ciel, voici les bons plans de la passerelle. Oui, on a des bons plans à Fleury-les-Aubrais avec la passerelle, le Capucine, ce petit dragon vert et cette belle blonde. Un spectacle plein d'humour pour les enfants, pour vous aussi, durée de 1h20 quand même. C'est à l'espace Jean Cocteau à la passerelle et c'est le vendredi 17 septembre à partir de 20h30. Un spectacle plein d'humour, un petit dragon tout sympatoche, vous allez voir, tout vert, tout mignon. Et une belle blonde qui vont faire 1h20 sur scène de spectacle et bien pour les enfants aussi. Voilà, vous conseiller d'urgence à la passerelle à Fleury-les-Aubrais. On vous rappelle la date, c'est le 17 septembre, c'est un vendredi, pourquoi pas entre familles. Bah ouais, et puis le disque le plus vendu de la planète, l'album le plus vendu sur Terre, Thriller avec Michael Jackson. Oh my god, en 1982, quel tube planétaire, interplanétaire. Il déplace tous les records de vente. Voici Michael, le King. Fighting for your life inside of. Get up, get up, get up. Quel rire satanique, 7h39, bon réveil, belle journée. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Ah ouais, c'est Francky au réveil et puis ça chauffe pour la mer de Paris. Bah oui, parce que l'Arc de Triomphe a été recouvert depuis ce dimanche et jusqu'au 18 septembre, recouvert de 25 000 mètres carrés de polypropylène. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, on s'en fout. Il y a des photos sur Facebook, vous allez voir, c'est énorme. Ça a coûté quand même 14 millions d'euros. Bah ouais, c'est énorme, hein. Il y a 95 cordistes qui sont encore à la tâche. Et ça va durer jusqu'au 18 septembre. Si vous êtes du côté de Paris, bien allez voir, c'est complètement laid. J'ai la photo sous les yeux, vous allez voir, puis ça a coûté beaucoup d'argent. C'est pour ça que les associations sont en colère aujourd'hui. Et je pense qu'ils le méritent. Voilà. Donc allez faire un petit tour sur le Facebook. Et vous tapez Arc de Triomphe Paris en ce moment, vous allez voir. C'est énorme. Heureux d'être avec vous. Edouard qui est là. Salut Edouard. Salut Pascalou du côté de Saint-Jean-de-Bray. Merci Francky Desplein. Merci pour Michael Jackson. Bah oui. Et puis une fille qu'on a vraiment oubliée. Bah ouais, qu'on l'a vraiment, vraiment zappé de notre vie. Mais on l'aime bien la radio quand même. C'est la Russo. Et tu m'oublieras sur la radio couleur. Oh, 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky Arc-en-Ciel. Courage à vous si vous êtes sur la tangentielle, prudence, il pleut aujourd'hui, bah oui, hein, ça bouge un petit peu, c'est ce que nous dit Steph, faites gaffe, hein, soyez très très très prudents. La météo, justement, on fait un petit point. La météo pour aujourd'hui, eh bien le ciel est malheureusement très couvert, nuageux et pluvieux. Des risques d'orage dans l'après-midi, avec des températures plutôt pas mal quand même, hein, 17 degrés au lever du jour. Et on va quand même dépasser les 25-26 degrés, mais la pluie est belle et bien là. C'est pas grave, on a du soleil pour vous avec cette version French de Despacito. Et on adore la radio couleur, voici Sarah Covers, qu'on adore sur cette radio. Qu'on recevra bientôt d'ailleurs au téléphone. Oui, tu sais que je te regarde depuis un moment. Je veux danser avec toi maintenant. J'ai déjà remarqué comment tes yeux m'appelaient. Donne-moi le chemin

besoin d'amour et lui. Laisse qu'on besoin de ça la vie pour pouvoir exister. Et quant à toi ma jolie, les femmes sont fortes aujourd'hui. Si tu tombes, tu te relèves again. Tu réessayes again, again and again and again. Faut pas oublier. Oh, oh, oh, oh. Restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Oh, oh, oh. Ma brother, ma sister, même si c'est pas easy. Oh, oh, oh, oh. Restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Papa t'a dit de ne pas plier. Plier, plier, plier. Start like play play. For France, we don't dey throw away. So make una seriously lay. Try for my business, yeah. And make we dey try to dey rejoice, yeah. Why? Cause you know easy, yeah. Even if you don't get money, yeah. The journey dey shake body. Cause the way you dey vex, dey complain. If you know be God, yeah. That's when baby dead body, yeah. Nobody be no baby. And when you fall, you go stand up again. You try him again. Again, again, heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Salut à Stéphanie qui est du côté de Saint-Jean-de-Bray. Merci Francky pour ce petit Mathieuson qui fait plaisir aux oreilles le matin. Ouais, positif, c'est le mot d'ordre aujourd'hui parce que la météo est pas terrible, hein. De la pluie et des orages. Merci à Virginie aussi qui est là, qui m'a envoyé une petite vidéo sur Messenger. Et puis ils reviennent 30 ans après le disco, le remix des Infiltrés, version 2021 d'Otawan D-I-S-C-O. C'est diffusé sur toutes les radios. Et je peux vous dire, ça va faire mal dans les clubs ce week-end. Voici Otawan 2021 par les Infiltrés. C'est déjà sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis demain, restez connectés. J'aurai peut-être des places pour vous envoyer voir Vita et Slimane vendredi à Orléans. Radio Soleil, dès 7h avec Francky. Qu'est-ce qu'elle est conne. Je repartirai pas sans son fun, sans son fun. Tout le monde la connaît dans le barrio. c'est pas proprio. T'as piqué, t'as du mal à nous l'expliquer. T'as piqué, tu penses qu'à elle toute la soirée. Tu penses qu'à elle donc tu t'amuses plus. Tous tes potos te reconnaissent plus. Y'a que le barman qui t'encaisse plus. À croire que sur terre il n'en reste plus. T'allais tout donner, mais fallait pas la laisser te piquer, gros. T'allais tout donner, mais fallait pas la laisser te piquer. Tu décolles quand elle te répond plus, tu t'étonnes. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est conne, mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Fallait pas tout donner, sois pas étonné. Elle t'a tout volé, ton ego, ton cœur, ton porte-monnaie. Elle t'a piqué, t'as du mal à nous l'expliquer. Elle t'a piqué, tu penses qu'à elle toute la soirée. Tu penses qu'à elle donc tu t'amuses plus. Même tes potos te reconnaissent plus. Y'a que le barman qui t'encaisse plus. À croire sur terre, il n'en reste qu'à elle. T'es passé leur soirée. Pourtant t'es belle, c'est ballon. T'as mis tes plus beaux talons. Mais ça suffit plus. Maintenant ce qui te souhaite c'est que du malheur. Gros t'allais tout donner. Mais fallait laisser te piquer. Fallait pas tout donner. Fallait pas tout donner, bah ouais, faut pas tout donner dans la vie, hein. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio, courage à vous, si vous êtes sur la tranche, faites gaffe, soyez prudents, ça a plu pas mal cette nuit, hein, orage, hein, c'est ce que dit Stéphane, est réveillé à 2h20 par l'orage. Bandi, hein, Anna Paula, José Suarez aussi qu'il a dans son camion, il me dit salut Francky, direction le boulot, au taf ce matin, livraison, bah ouais, il y a pas mal de chauffeurs livreurs, on les salue ce matin, les colis, bah c'est grâce à eux, hein, bah ouais. Et puis le meilleur son, tranquillement, de la Kizomba, ah on adore le matin, sur la route du boulot, comme ça, avec Ellie Goulding, la version Love. Love me like you do. C'est sur Radio Arc-en-Ciel. Bon réveil, belle journée. What are you waiting for? Fading in, fading out. All the-

C'est vrai que ça fait du bien aux oreilles le matin, c'est ce que nous dit Paulo Mendes. Salut mon ami, un petit déjà avec du bon son cette semaine, montage du festival H-Fun 41. Bah ouais, il faut bosser mon ami, la vie normale revient, c'est ce qu'il dit. Bah ouais, merci mon Paulo. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard si vous voulez nous joindre. Et puis nos invités radio qui sont venus, bah un paquet de fois, on va les recevoir bientôt. Michael et Steven avec Camaleon. Dizes vem dançar, eu fico logo perdido a sonhar. Adoro quando me tocas, bailas sem parar. Eu fico louco e digo: vem me amar. Contigo quero ficar, sentir teu corpo no meu. Contigo quero vibrar, por isso bem que eu sou teu. Sentiste bailar, adoro cuando me tocas, dulce acariciar. No me imagino un momento lejos de tu amor. Llevo este fuego por dentro, me quemó. Contigo quiero ficar, sentir tu cuerpo no mío. Contigo quiero vibrar, por eso ve que soy tuyo. C'est les habitués de la radio, ça. Michael et Steven avec Camaleon. On les adore. 8h16. C'est vrai qu'il y a eu de l'orage cette nuit, ce que dit Joël. Du côté de Saint-Yves aussi, Stéphane, à Saran, à Fleury-les-Aubrais. Ça a pas mal pété vers 2h du matin. Hein. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Le meilleur des souvenirs en direct pour vous sortir du lit. Ou alors peut-être direction le boulot ce matin. En live avec le meilleur. Et 1982, ça, forcément, ça va vous rappeler quelques bons moments. 82, t'avais quel âge? Ah, t'étais pas né. Bon, d'accord. Parce que Jean-Luc Lavé est femme. Femme. Femme. Simplement, je te dis que je t'aime. Je t'aime. T'es comme un soleil qui brille dans mes nuits. Et je prends racine en toi. Fernando qu'on a passé avec le Rush, oh, sérieux. 2h30 du matin, tout le monde réveillé sur la planète, hein. C'était énorme. À Floride les ombres, c'est ce que dit Steph. À Floride, c'était, ça a claqué, hein. Ouais, grave. Au moment, c'était la fin du monde. Heureux d'être avec vous, la météo aujourd'hui, bah, c'est tristouné, hein. Ah ouais. La météo. Eh oui Evelyne, la météo pour ce matin, eh bien il fait lourd, vous avez vu, hein, 17 degrés, on va monter quand même jusqu'à 26, des nuages, de la pluie, des nuages et des orages encore qui vont arriver jusqu'à normalement mercredi si je regarde bien le ciel de Météo France et le retour à peu près dans les améliorations, ça sera jeudi, vendredi et samedi. Voilà des bonnes nouvelles, la température, hein, eh bien je vous l'ai filé la température, 26 degrés aujourd'hui, va faire lourd, mal aux mains et la température là. C'est sur la radio couleur. Bon réveil, bon petit déj et bon courage pour ceux qui vont bosser ce matin. Con tu cintura se ajusta, cállate y no me hagas preguntas. Si ese pelo lacio, esos dos mesitos de gimnasio. No tienes volumen en el espacio. Será latina o de Canadá, será boricua o de Panamá. Venezolana, ya no me importa, pero a Colombia conmigo se va. Juro que esa noche te estoy bailando en mi única meta es un amanecer junto a ti. Ese pelo lacio, esos dos mesitos de gimnasio. Juro que esa noche te estoy bailando en mi única meta es un amanecer junto a ti. Il va nous saouler longtemps, lui, avec sa température. Je lui ai dit, 27 degrés. Maluma, la température, là. Et demain, restez connectés, parce que ça se trouve, vendredi, je vous envoie au Zénith d'Orléans, voir Vita et Slimane. Hey, bon plan, hein. Donc demain, soyez bien, là, entre 7h et 9h. Si ça se trouve, vendredi, tranquille, au Zénith d'Orléans, avec Radio Arc-en-Ciel. Hey, c'est pas des bons plans, ça. En 2000, je sais pas si vous vous souvenez de ce groupe Organize, ça me rappelle quelques bons moments. Eh bien, moi, j'ai kiffé, j'ai adoré, avec leur tube planétaire. Ils avaient démarré avec ça. I never know you. Love like this before. Quel souvenir en 2000. C'est Organize et c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Into my life. Yeah, let's go. Come on. You are my love like this, I know. What you say? And I'll never let you go. You're my own. Was lost and now found. Things turn my world around. When I need, I call your name, lead name. 'Cause I never knew love like this before. I never knew love like this. Open my eyes, 'cause I never knew love like this before. Something so deep inside of me, such a tender fantasy. You're the one I'm living for. Empty singing, feeling. You are sunlight in my rain. In time to never change. 35, ça va peut-être pas vous rajeunir ça. Il y a 21 ans déjà, on croirait pas. Organize. I never knew love like this before. Le tube à l'époque, bah ouais, forcément, c'est ce que dit Steph, c'est ce que dit Virginie aussi, puis Florent aussi. Mylène qui est là, salut Mylène, belle journée. Sous la pluie malheureusement aujourd'hui, mais il fait chaud, hein, il fait lourd. Hein. Allez, ils sont Koons, I feel so bad. When I met you, I was so in love. I didn't think that I could be strong for things I did. But then go back to how they were. Should have been gone sooner. For things got so much worse. FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Quelque chose, je t'ai déjà croisé dans la ville. Je vais pas te mentir, j'ai pas maté tes choses. T'es la plus fraîche si tu veux mon avis. Vas-y, prends mon tel. Quand tu veux t'appeler, je serai à l'hôtel. Dans un nuage de fumée, je te vois derrière les vitres teintées. Ça sent, je vais quitter rinté. Regarde-moi dans les yeux, je deviens amnésique. Je crois que ton corps me rappelle des souvenirs. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la soirée. pas peur, non, non, j'ai pas de cœur, ouais, mais je prends soin de toi comme la recette d'un braqueur, ouais, ouais. Atikio, pas homme des sous, mais homme des sous. Je fais des tonnes de billets, viens m'en prendre un petit peu, tu bois le Porsche. Je suis en dessous, je suis dans le zoo, mais t'es la seule que je laisserai me descendre à petit feu. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone. Reprise de Cyan Supacru dans les années fin 90, Angela par Attic. J'ai l'impression qu'il se réveille le mec à chaque fois qu'il chante. Ouais, il est plutôt rigolo. C'est marrant. Elle est bonne la version. Redette là, c'est Francky dans la radio. Jusqu'à 26 degrés aujourd'hui, il va faire chaud. Mais bon, la pluie, elle a les nuages aussi. Bah, pas de soleil. Mais on est là. Avec le smile et la bonne humeur. Avec Luca. El brillo en tu mirada, tu sonrisa que me abraza y de verdad no sé qué será. Yo no sé qué hiciste tú a mi corazón, pero a tu lado todo tiene otro color. No sé, no lo alcanzo a entender cómo fue, me llegó de repente que tu amor ha cambiado mi ser. Tu voz, tu alma, tu calor. No sé qué será. Te filtraste hasta las venas, te llevaste las cadenas, dando libertad para amarte más. Yo no sé qué hiciste tú a mi corazón, pero a tu lado todo tiene otro color. Canto entender cómo fue, me llegó de repente que tu amor ha cambiado mi ser y ahora mi vida eres tú. Fue tal vez tu mirar o tu caminar, o quizás fue tal vez que yo te soñé. Pudo ser y pudo suceder y ahora mi vida eres tú. Desde que estás aquí he olvidado sufrir y no vuelvo a Ciel, ta radio soleil dès 7h avec Francky. Dámelo, baby. Mi corazón me pide más, más, más, más, más. te fuiste, castigado desde el día por ti. Hey, baby, tanto daño le está haciendo a mi corazón. Mamita, no lo puedes ocultar ya más. Tardo o temprano sé que te conquistaré de nuevo, porque yo sin ti no aguanto más. Mi corazón me pide más, más, más, más, más, más, más. Que yo sin ti no aguanto más, más, más, más, más, más, más. Si supieras lo que le hace, no podría soportarlo más. Y él te llama y te busca, sin respuesta muere por tu amor. Tanto daño le está haciendo a mi corazón. Mamita, no lo puedes ocultar ya más. Tardo o temprano sé que te conquistaré de nuevo, porque yo sin ti no aguanto más. Mi corazón me pide más, más, más, más, más, más, más, más. Que yo sin ti no aguanto más, más, más, más, más, más, más. Mi corazón me pide más, más, más, más, más, más, más. Que yo sin ti no aguanto más, más, más, más, más, más, más. Y sigue latiendo, que por no morir lo intenta, olvidando la razón, olvidando la razón. Y sigue latiendo, que por no morir lo intenta, y lo hará hasta el final. Mi corazón me pide más, más, más, más, más, más, más. Que yo sin ti Radio Arc-en-Ciel, 8h38, direction le boulot, peut-être pour vous comme Stéphanie qui voulait souhaiter un bon anniversaire à son papa aujourd'hui qui fête ses 71 ans. Gérard, bon anniversaire mon GG, bah voilà, allez, de la tendresse pour toi pour aller au boulot. Stéphanie qui bosse du côté de Saran dans la zone, voilà, avec Kelly Clarkson, Because of You, parce que c'est toi, bah c'est comme ça, moi les Kelly Clarkson, c'est sur la radio couleur. Same mistakes that you did. I will not let myself cause my heart so much misery. I will not break the way you did. You felt so hard. Too long before you point it out. I cannot cry because you know that's weakness in your eyes. I'm forced to fake a smile, a laugh every day of my life. Look. c'est vous le matin à la radio. Merci d'être là. 7h-9h, Francky avec ce parisien qu'on adore. C'est la grande famille de Radio Arc-en-Ciel. Rodrigo Hayes qui a fait une belle reprise. En plus, il a fait ça vraiment par hasard. Celle de Bruel. Je te le dis quand même. Rodrigo Hayes sur Radio Arc-en-Ciel. Let's go. Et ben voilà, Rodrigo Hayes sur le 96.2 FM. On est heureux de vous retrouver avec du son caliente. Malgré l'orage de cette nuit, malgré la pluie, aujourd'hui les nuages, on est là pour vous donner le smile, le sourire en anglais. Bandez à la planète avec CNCO. C'est sur la radio couleur 96.2 FM, 7h-9h. C'est Francky dans la radio. Vuelve loca, hey. La verás en su casa, siempre como loca. Cuando te la digo, le pone